3 weeks retreat at Tamaransi is about to finish. Our yogis are still working very hard. In sitting meditation, in walking meditation, daily activities, they are trying to carry the mindfulness all the way along. Les 3 semaines de retraite à Damaransi sont sur le point de se terminer. Les yogis travaillent encore dur, en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Ils s'efforcent d'emmener leur attention partout avec eux. Mais malgré leurs efforts pour emmener leur attention partout avec eux, les pensées et les imaginations font encore toujours irruption dans leur esprit. Ils pratiquent avec Samavayama l'effort juste. Ce n'est pas facile de pratiquer Vipassana, et tous les méditants ont pu s'en rendre compte par eux-mêmes. Ce qui est surtout difficile, c'est de maintenir les yeux dirigés vers le bas. Contrôler les yeux, ce n'est pas facile. Lorsque l'attention sera devenue forte, les yeux seront spontanément maintenus vers le bas. Et le méditant sera content de sa pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cittanupassana, l'attention à la conscience. Comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est pas facile d'emmener son attention partout avec soi. Ce n'est pas facile de maintenir l'attention sur l'abdomen. Vous l'avez tous expérimenté. Je vais donc vous parler de Cittanupassana, l'attention à la conscience, et je vais commencer par vous raconter une histoire qui se passait du temps du Bouddha. Cette histoire va vous encourager. Du temps du Bouddha, il était fréquent que les personnes âgées, qu'ils soient hommes ou femmes, rencontrent le Bouddha, écoutent son enseignement et atteignent l'illumination selon le développement de leur parami. Mais les jeunes également atteignaient l'illumination lorsqu'ils écoutaient l'enseignement du Bouddha, comme par exemple Visakha, une des principales disciples du Bouddha. Elle avait 7 ans lorsqu'elle rencontra le Bouddha, elle écouta son enseignement et elle atteint le fruit du Sotapanna. Sumana, un garçon, atteint également l'état d'arhat à l'âge de 7 ans après avoir entendu l'enseignement du Bouddha. Parmi les jeunes novices, les Samanera, qui ont atteint l'état d'arhat, il y a Pandita Samanera. Comment Pandita Samanera atteint-il l'état d'arhat? Lorsqu'il avait 7 ans, il fut ordonné Samanera, donc novice, par Sariputta Thera. Il y a une règle dans le Bouddha Sasana. Lorsqu'on devient Samanera ou Bhikkhu, il faut se rendre au village ou dans la ville voisine pour quêter sa nourriture. Les Samanera et les Bhikkhu ont le droit de posséder 8 articles. Parmi ces 8, il y a donc le bol à aumône et un rasoir, par exemple. Un jour, Samanera Pandita voulut suivre son professeur Sariputta Thera lorsqu'il se rendait au village pour quêter sa nourriture. Sariputta Thera était le disciple le plus important du Bouddha et c'était un arhat. En chemin, Samanera Pandita vit des fermiers qui irriguaient un champ. Samanera Pandita était né dans une famille riche et ne savait donc pas ce que c'était un fermier. Il demanda à Sariputta « Qui sont ces personnes ?» Sariputta lui répondit « Ce sont des fermiers. » « Et que font-ils ? » demanda le Samanera. Et Sariputta répondit « Ils irriguent le champ. » Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent alors des archers qui redressaient leurs flèches, qui fabriquaient leurs flèches. Le jeune Samanera demanda à son professeur « Qui sont-ils ? » Sariputta répondit « Ce sont des archers. » « Et que font-ils ? » « Ils redressent leurs flèches. » Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent alors des charpentiers qui coupaient du bois. Le jeune Samanera demanda à son professeur « Qui sont-ils ?» Le professeur Sariputta répondit « Ce sont des charpentiers. » « Et que font-ils ? » demanda le Samanera. « Ils coupent du bois pour en faire des objets utiles. » Le jeune Samanera comprit que dans l'eau, il n'y avait pas de conscience. Dans le bambou tordu et dont on fait des flèches, il n'y a pas de conscience. Dans le bois, il n'y a pas de conscience. Le jeune Samanera réfléchit et se dit alors que l'eau qui n'a pas de conscience peut être menée dans les canaux. Le bambou qui n'a pas de conscience peut être redressé pour en faire une flèche. Le bois qui n'a pas de conscience peut être travaillé et devenir un objet utile. Moi, Pandita Samanera, qui ai une conscience, je ne peux pas être dompté. Le jeune Samanera se demanda alors pourquoi l'eau qui n'a pas de conscience peut être canalisée? Pourquoi le bambou qui n'a pas de conscience peut être redressé? Pourquoi le bois qui n'a pas de conscience peut être travaillé pour en faire quelque chose d'utile? Pourquoi moi qui ai une conscience, je ne peux pas être dompté? Le jeune Samanera se posa donc ces questions et fit ainsi surgir Samvega, un sentiment d'urgence. Il était très jeune, mais il était capable d'avoir des pensées positives parce qu'il avait les paramis. Au départ, le jeune Samanera voulait tout simplement accompagner son professeur en tournée d'aumône. Mais lorsqu'il vit les fermiers qui canalisaient l'eau, lorsqu'il vit les archers qui redressaient les flèches, et lorsqu'il vit les charpentiers qui travaillaient le bois, il eut un sentiment d'urgence. Et à partir de ce moment, il voulut dompter son esprit. Le jeune Samanera demanda alors à son professeur la permission de retourner au monastère. Il ne voulait plus l'accompagner en tournée d'aumône. Il voulait retourner au monastère pour dompter son esprit. Le jeune Samanera retourna donc au monastère, il entra dans sa chambre, s'assit, comme les yogis ici. Il garda le dos bien droit, rassembla son énergie dans le but de dompter son esprit. Comment allait-il dompter son esprit? Avec l'attention. Comme les yogis ici, il pratiqua les quatre établissements de l'attention. L'attention au corps, il était attentif à toutes les activités physiques, comme soulèvement, abaissement de l'abdomen, posture assise, toucher, se pencher, changer, etc. Il pratiqua l'attention aux sensations. Les sensations, ce sont les sensations douloureuses, les raideurs, les pressions. Ce jeune homme était né dans une famille riche, il était fort jeune et il ne connaissait donc pas Dukkha. Mais il voulait dompter son esprit. Il pratiqua également l'attention à la conscience. Il n'avait probablement pas beaucoup de pensées puisqu'il était si jeune. Il n'y avait pas beaucoup de Kamaraga Samyojana ni de Patiga Samyojana. Il pratiqua enfin l'attention au Dhamma et était attentif au contact sensoriel, entendre, voir, sentir, goûter, toucher. Ce jeune homme essayait de dompter son esprit. Dompter se dit en pali Dhamma, ce qu'il ne faut pas confondre avec l'enseignement du Bouddha qui se prononce presque de la même façon, Dhamma. Le Bouddha a enseigné trois sortes de pratiques, la patience, l'impatience, dhamma, dompter, sama, calmer. Lorsque les yogis pratiquent les quatre établissements de l'attention, autrement dit vipassana, ils pratiquent automatiquement et en même temps kanti, la patience, dhamma, le contrôle de l'esprit, et sama, le fait de calmer l'esprit. Sans la patience, il n'est pas possible de pratiquer, il n'est pas possible de maintenir les préceptes moraux. La colère fera souvent irruption dans l'esprit, et le méditant ne pourra pas contrôler ses sens par l'attention. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez pas être attentif, et vous ne pourrez pas contrôler les contacts sensoriels. Si vous n'êtes pas attentif et que vous ne contrôlez pas les contacts sensoriels, vous n'atteindrez pas le calme. Mais si vous pratiquez de façon diligente, vous pratiquez automatiquement la patience, vous domptez votre esprit, dhamma, et vous calmez votre esprit, sama. Le jeune Samanera s'efforçait donc de dompter son esprit par la pratique. Il maintenait le dos bien droit, il faisait preuve de beaucoup d'énergie et notait tout ce qui se manifestait dans le corps et dans l'esprit. Juste avant le déjeuner, vers 11 heures, il atteint le troisième stade d'illumination, le stade d'anagami. Son esprit était devenu très clair et très pur. Il réalisa la différence entre l'esprit et la matière, il réalisa toutes les connaissances vipassana, atteint le premier stade d'illumination, puis le deuxième, et enfin le troisième. Le jeune Samanera s'efforçait donc de dompter son esprit. Il pratiquait de façon très assidue. Il avait 7 ans, mais ne changeait pas de posture. S'il avait changé de posture, l'agitation serait sans doute apparu dans son esprit, et si son esprit avait été agité, il n'aurait pas pu atteindre l'illumination. Il restait donc immobile et notait tout ce qui se manifestait à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Lorsque quelque chose de particulier se passe dans le monde des humains, les devas le savent car la mer se réchauffe. Sakadeva Raja vit donc que quelque chose se passait dans le monde des humains. Le roi des Devas descendit donc dans le monde des humains avec sa suite pour protéger le jeune Samanera qui pratiquait. Le Bouddha le vit également. Il savait que Samanera Pandita était devenu un anagami. Il savait également que l'heure du déjeuner était très proche et que Sariputta se rapprochait du monastère. Si Sariputta était entré au monastère, il aurait probablement dérangé la pratique du Samanera. Le Bouddha savait que si le Samanera poursuivait son effort, il aurait atteint l'état d'arhat. Il arrêta donc Sariputta et lui posa une question. À quelle heure les Samanera et les bhikkhus partent-ils en tournée d'aumône? Vers 7-8 heures. Ils rentrent donc vers 8 heures et s'installent pour la méditation. Le jeune Samanera avait atteint l'état d'anagami juste avant le déjeuner, donc il avait probablement médité pendant 3 heures sans arrêt. Il poursuivit sa pratique et vers 3 heures de l'après-midi, il atteint l'état d'arhat. C'était donc l'histoire de Pandita Samanera qui réussit à dompter son esprit par la pratique, et il le fit en une matinée. Nous sommes ici depuis 3 semaines. Où en sommes-nous? Avons-nous réussi à éliminer les empêchements? Kamachanda Nivarana, l'empêchement du désir sensuel. La colère, l'irritation, le découragement, la somnolence, l'agitation, le remords et le regret, et enfin le doute. Avons-nous réussi à éliminer ces choses? Le jeune Samanera Pandita avait sans doute, lui aussi, dû lutter contre les 5 empêchements. Même si c'était un jeune garçon, il a probablement, lui aussi, expérimenté la sensation douloureuse, les raideurs, les engourdissements. Mais il n'abandonna pas sa pratique, car s'il avait abandonné, il n'aurait pas atteint l'état d'arhat. Les yogis également s'efforcent de maintenir leur esprit sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais l'esprit ne reste pas toujours sur ces mouvements. Il vagabonde partout. Plus vous êtes attentif, plus vous pouvez le constater. S'il n'y a pas d'attention ou si l'attention est faible, vous ne voyez pas clairement ces choses. C'est pourquoi le Bouddha demande de travailler avec atapi, un effort vigoureux. Il faudra fournir une énergie mentale puissante. L'énergie mentale, c'est la capacité de travailler avec détermination. Être déterminé à rester attentif le plus possible. Il faudra également fournir une énergie physique. Cela consiste à garder le dos bien droit et à faire preuve de courage et être alerte. Si vous faites cela, votre attention va se développer. Lorsque l'attention sera devenue forte, vous pourrez contrôler votre esprit. Dès qu'une pensée apparaîtra, vous serez capable de la noter immédiatement. Si ce sont des images, vous pourrez également les noter immédiatement. Si vous réussissez à noter ces choses à l'instant précis où elles se manifestent, vous pourrez voir qu'elles s'arrêtent. Cela, c'est dompter l'esprit. Le pratiquant vipassana doit noter tout ce qui se manifeste à chaque instant, aussi porte sensorielle, à commencer par l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il ne sera pas capable de maintenir toujours son esprit sur l'abdomen parce que, par moments, il se mettra à penser, à parler, à critiquer. Ce sont les états mentaux. Si ces états mentaux apparaissent en lui, il doit les noter attentivement. S'il ne les note pas attentivement, ils ne disparaîtront pas. Si le méditant est capable de noter attentivement ces choses, il verra peut-être qu'ils disparaissent à l'instant même où il les note. Il revient alors au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. L'instant d'après, une nouvelle pensée apparaît dans son esprit, il la note de nouveau, elle disparaît, il revient au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. De cette façon, le méditant lutte contre les pensées. Lorsqu'il y a une pensée, il faut donc la noter attentivement. Si vous réussissez à noter attentivement les états d'esprit au moment précis où ils se manifestent, vous verrez le processus des pensées. Vous verrez que par moment, à un moment vous êtes heureux, l'instant d'après vous êtes triste, l'instant d'après vous êtes découragé, puis irrité, puis vous avez de l'envie, de l'égoïsme, de l'inquiétude. Vous voyez très clairement les différents états mentaux qui se succèdent. Le Bouddha explique qu'il y a 52 états mentaux. Ce sont les théories de l'Abhidhamma. Mais même si vous n'avez pas étudié l'Abhidhamma, vous êtes capable d'expérimenter ces choses dans votre pratique. On nous demande de noter attentivement tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Quand on dit noter attentivement, cela veut dire qu'il faudra faire preuve d'une énergie mentale développée. Il ne faudra pas laisser disparaître ces choses sans les avoir comprises. Imaginons par exemple que nous soyons fâchés. La colère est apparue dans notre esprit. On nous demande de noter la colère lorsqu'elle apparaît dans l'esprit. Il faut la noter attentivement. Nous répétons donc mentalement colère, colère, colère. Mais ce n'est pas suffisant de répéter plusieurs fois colère, il faut le faire de façon respectueuse. Si on note la colère de façon respectueuse, on remarquera quelque chose. On remarquera qu'il y a certaines sensations dans le corps. Il y aura aussi certaines choses qui vont se passer dans l'esprit. Par exemple, pour le corps, on pourra remarquer éventuellement des tremblements. La tête va peut-être se mettre à bourdonner. Tout cela ce sont les signes de la colère. Si vous notez attentivement ces choses, la colère va disparaître de votre esprit. Si la colère disparaît de votre esprit, vous ne notez plus la colère. C'est de cette façon que le méditant comprend comment la colère apparaît dans son esprit et comment elle disparaît de son esprit. Par la pratique, on réussira à comprendre pourquoi il est utile de dompter son esprit. Qui veut être fâché en permanence? Qui veut être triste? Qui veut être énervé? Personne ne désire ces choses. Mais pour l'instant, il ne nous est pas possible d'éliminer ces choses de notre esprit, parce que nous sommes des êtres ordinaires et que les êtres ordinaires sont constamment envahis par ces choses. Mais nous sommes occupés à pratiquer et donc nous apprenons à dompter notre esprit par la pratique. Mais ce n'est pas seulement la colère qui va se manifester dans votre esprit. Parfois, vous ne réussissez pas à maintenir votre esprit sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous n'arrivez pas à le maintenir fixé sur ces mouvements pendant toute la durée du processus. Vous avez pourtant beaucoup de dévotion, vous avez le désir de bien pratiquer, mais vous n'y arrivez pas, vous ne réussissez pas à suivre les mouvements du début à la fin. Et vous êtes déçu. Vous vous posez des questions. Pourquoi ne réussis-je pas à maintenir mon esprit sur les mouvements de l'abdomen? N'aurais-je pas assez de paramis? Mais il faut pouvoir accepter ces sensations négatives. Un jour, vous réussirez à maintenir votre esprit sur l'objet, parce que vous avez le désir d'y arriver. Mais si vous vous découragez, que vous laissez tomber les bras, que vous vous dites « tant pis, je me repose », vous n'arriverez pas à maintenir votre esprit sur l'objet. Au début donc, si vous voyez que votre esprit ne reste pas fixé sur l'objet, vous devez redoubler d'attention. Tôt ou tard, vous réussirez à le maintenir sur l'objet, et la confiance va alors se manifester en vous. Il n'y aura plus de colère, plus de déception. Vous serez heureux dans votre pratique. Lorsque vous serez devenu capable de noter l'objet très attentivement et de maintenir votre attention du début à la fin du processus, que vous serez devenu capable de noter tous les autres objets qui se manifestent à chaque instant, vous aurez cependant encore des pensées. Mais ces pensées seront différentes. Au lieu de continuer à noter, vous vous mettez donc à penser. Vous êtes très heureux et vous imaginez, par exemple, que vous vous levez et que vous allez voir le professeur pour lui expliquer ce que vous avez expérimenté. Vous vous voyez parlant aux autres, leur expliquant ce que vous avez expérimenté ou les encourageant dans leur pratique. Le Bouddha nous dit que l'esprit n'est pas facile à voir. Il est très subtil, très fin. Il nous dit que l'esprit se déplace partout où il veut. Par la pratique, vous pourrez vérifier tout cela par vous-même. Vous essayez de maintenir votre esprit sur les mouvements de l'abdomen. Des pensées s'infiltrent, vous les aimez, vous vous y complaisez, et vous restez dans ces pensées pendant toute l'heure. Vous n'êtes conscient de rien. Vous ne voyez pas à quel moment l'esprit s'est envolé, à quel moment précis, au moment du soulèvement ou au moment de l'abaissement. L'esprit est très subtil, nous dit le Bouddha, très délicat, très fin, incroyablement fin. Il est impossible de le voir à moins qu'on soit très concentré. L'esprit, nous dit également le Bouddha, se déplace partout où il veut, quand il veut, en une fraction de seconde. L'homme sage, nous dit le Bouddha, c'est-à-dire le pratiquant vipassana, est capable de contrôler son esprit. Il sera alors en sécurité et le bonheur va apparaître. Le yogi s'efforce d'être attentif en posture assise. Il note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la posture assise, le toucher, les contacts sensoriels dès qu'ils ont lieu. Il s'efforce d'être attentif au moment de la marche en faisant une note, deux notes ou trois notes. Et il s'efforce d'être attentif dans les activités quotidiennes, lorsqu'il ouvre une porte, qu'il met ses chaussures. S'il travaille de cette façon, en s'efforçant d'être toujours attentif, il réussira à voir l'esprit. En notant attentivement, le yogi va progressivement réussir à voir à quel moment précis l'esprit s'apprête à s'envoler. Lorsqu'il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est capable de voir si c'est au début, au milieu ou à la fin du mouvement que l'esprit s'apprête à s'envoler. Lorsque l'attention se renforce, le méditant va disposer de la force de l'attention. Lorsqu'il disposera de la force de l'attention, sa respiration va devenir très subtile. Tous ses mouvements vont également devenir très subtils. L'esprit sera moins sauvage. Il n'y aura plus de pensée sensuelle, il n'y aura plus de colère. Son esprit sera devenu capable de voir les apparitions et disparitions. Les apparitions et disparitions des phénomènes physiques et mentaux. Donc, lorsqu'il y a des pensées dans votre esprit, ne soyez pas irrités, notez-les attentivement. Le Bouddha nous dit, lorsque l'attachement ou le désir est en moi, je sais que l'attachement ou le désir est en moi. Ceci veut tout simplement dire qu'il faut les noter. Si vous notez les pensées, vous les verrez disparaître. Lorsqu'elles auront disparu, il n'y aura plus de désir. Ceci, c'est Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Mais nous devons appliquer les conseils du Bouddha. Nous devons travailler avec énergie, une énergie physique et une énergie mentale. Nous devons également développer notre attention. Nous pourrons alors noter tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Notre esprit va devenir clair et pur. Lorsque l'esprit sera devenu clair et pur, nous serons en mesure de faire la différence entre l'esprit et la matière, les causes et les effets, et développer toutes les connaissances vipassana jusqu'à l'atteinte de l'illumination. That is enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently, ardently. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.